On va parler de soccer, évidemment. On fait le tour de table de l'Euro avec notre ami Benoît Lavoie d'espacesoccer.com qu'on a parlé la semaine passée. Salut Benoît. Salut Dany, salut Monsieur Mullien Et aussi. évidemment, Monsieur Francis Millien, évidemment, qui est une grosse sommité du soccer au Québec. Bonjour, Monsieur Millien. Bonjour Denis, bonjour Benoît, bon matin. Monsieur Millien, ce qui a marqué évidemment la première semaine, la dernière semaine, c'est l'élimination de la France. On a parlé avec un, ben vous l'avez vu d'ailleurs, on a parlé avec un journaliste français, un chroniqueur français de RMC, de France Football. On a fait une bonne entrevue avec lui. Comment vous avez trouvé ça? Moi, j'en reviens pas encore. En France, c'est vraiment l'hécatombe. Ben, On a c'est ça. blâmé Didier Deschamps et ainsi de suite. Ben voilà. Moi, je trouve ça un peu décevant, c'est certain, parce que on s'attendait à plus. On sait que c'est pas facile, que c'était pas un groupe facile au départ, mais on pensait qu'après, ils allaient accélérer un peu le mouvement. C'est certain qu'en France, ils l'avalent de travers et beaucoup plus que nous. Mais bon, il y a des choses à regarder, puis. C'est facile de dire après le match, il aurait fallu, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, mais on ne peut pas s'empêcher de le faire et de le dire quand même. C'est-à-dire, moi je trouve, le point que je trouve pas normal, c'est qu'à 10 minutes de la fin, tu mènes par 2 buts d'avance et que tu te fais rejoindre par une équipe qui est moins forte, moins armée que toi, et même si elle a un petit peu plus de cœur, elle s'attend pas, elle, à renverser. Elle le fait parce qu'elle doit le faire, mais elle s'attend pas à renverser le résultat. Et malheureusement pour les Français, ils ont continué à jouer à 10 minutes de la fin, avec leurs 2 buts d'avance, comme ils ont joué tout le reste du match. Or, j'ai donné des centaines de stages pour former des entraîneurs ou autres, et il est certain que dans un match, il faut savoir changer son équipe de rythme, d'objectif, de façon de faire, dépendamment du résultat où on en est. C'est certain qu'à 30 secondes de la fin, et si tu mènes, tu cherches à protéger ton ballon et à l'écarter le plus possible, etc. Si c'est toi qui es mené, tu joues différemment. Et là, c'est un petit peu ça. Ils ont continué à jouer pareil qu'ils ont joué tout le long du match, un match normal, sans se dire, ben, avec 2 buts d'avance, on est peut-être mieux de protéger le résultat que d'essayer d'avoir 3 buts d'avance. Et quand tu vois la défense revenir en courant vers sa position, parce que l'adversaire est en train de les surprendre, pas seulement par une contre-attaque, mais par une attaque rapide. Je pense que là, il y a un problème de coaching ou de façon de penser de l'équipe, et ils ont payé pour l'erreur qu'ils ont faite. Ah, effectivement. Benoît, on a eu une bonne discussion, tu te rappelles, c'était avec Nicolas Cougeot de RMC. T'as-tu décanté? T'as-tu réanalysé ça encore une fois? Ou t'as passé à d'autres choses? C'est sûr que. Ouais. Comme M. Millien dit, mais il faut se rappeler que quand c'est juste un match comme ça, hein, c'est pas un 4-7 comme au hockey, là, parce que là, à la fin du 4-7, tu sais qui est la plus forte équipe, mais normalement, c'est ça qu'on voit. Mais juste un match, tout est possible dans un match. Et on l'a vu un peu, les Anglais ont marqué à la 4e minute. Ça a donné de l'aile à l'Angleterre, quoi, qui aurait pu se faire rejoindre. Mais je veux dire, la France, on l'a vu dès le départ du match. Défensivement, il y avait des lacunes, c'était difficile. Les Suisses en ont profité. Les buts des Français étaient vraiment magnifiques aussi, là, le troisième but, le Pogba, Benzema, techniquement, c'était de toute beauté. Mais on voyait aussi peut-être, on a vu certaines engueulades entre les joueurs sur le terrain. Après ça, on entend parler de tout bord, de tout côté, là, mais je veux dire, je pense qu'on a vu des moments, à un moment donné, entre la défense et les milieux, l'erreur de Pogba en fin de match, là, et la sortie de Griezmann aussi, là, c'est questionnable. À la 89e minute, est-ce un bon choix? Oui, Deschamps, il y a des choix. Mais ça fait partie de la game, hein? L'entraîneur fait des choix tactiques ou des chemins, changer des positions, des joueurs de position. Et il peut se tromper. Puis je pense que là, il s'est trompé. Défensivement, je pense qu'il y aurait. En tout cas, c'est décevant, là, mais ben, qu'est-ce que tu veux... T'as bien raison là-dessus, Benoît, parce que celui qui était le plus courageux, qui, et pas seulement dans ce match-là, mais dans les précédents, et qui se donnait pour l'équipe et qui se donnait pour maintenir un résultat ou autre, c'était quand même Griezmann. Alors, je veux bien que tu le protèges pour le prochain match, mais quand même, assure-toi de replacer tes pions sur le terrain si tu le retires lui. Si tu le gardes, ben, tu remets tes pions où tu peux les garder parce qu'il fait quand même un travail énorme, énorme, au détriment du travail de finition de buteur. Il a quand même été un des plus en vue de l'équipe. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, moi, j'ai rien contre le fait qu'ils le mettent de côté pour le protéger pour le prochain match. Mais à ce moment-là, réajuste ton équipe en conséquence. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup Mbappé, j'aime beaucoup les autres, mais c'est pas eux qui se sont battus sur le terrain en première changement de position. J'attaque, je perds le ballon, je défends. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait dans l'attaque française. Deuxième. Moi, Danny, avant de terminer un peu le sujet de l'équipe de France, je vois ça en résumé, en gros, avec le tir manqué de Mbappé à la fin. Une leçon d'humilité pour l'équipe de France, puisque oui, on est l'équipe favorite. Regardez-vous dans le miroir, on se replace, on se recadre pour bon la Ligue des Nations qui s'en vient à l'automne, ça va être intéressant parce que on risque de retrouver l'Italie, la Belgique, et après ça, ben c'est le Qatar dans pas grand temps non plus. Donc, leçon d'humilité. Maintenant, je pense que Deschamps va être reconduit. Ben, Deschamps va au moins 30 jusqu'au 14. C'était juste normal, parce que quelque part, la Coupe du monde de soccer s'en vient. Commencer à changer toute la philosophie après ça. Changer pour qui? Je pense Zidane. Ouais, mais est-ce que lui, il veut? Ouais. Je veux dire, à un moment donné, il est quand même dans une bonne position actuellement aussi. Alors, si tu lui dis c'est pour dans 5 ans, je dis pas qu'il va pas être tenté. Mais si, comme tu dis, et tu as raison, c'est pour très bientôt parce que il faut retomber dans la prochaine compétition. y a des risques à prendre et c'est peut-être pas le gars à prendre des risques. Le Danemark est vraiment... font preuve de beaucoup de résilience dans cette Coupe du Monde. Pas dans la Coupe du Monde, mais l'Euro. C'est le bébé chéri de tout le public. Ouais. On sait ce qui leur est arrivé sur le terrain. On avait dit en début de compétition, il y aura sûrement une surprise des pays de l'Est, des pays du Nord, la Suède ou le Danemark, mais la Suède n'a pas réussi quand même totalement à remplacer Ibrahimovic, donc ils ont souffert un peu plus. Et le Danemark, tant mieux, parce que c'est vraiment une équipe agréable à regarder jouer, qui se donne beaucoup. Puis c'est le petit pousset qu'on n'attendait pas, puis qui vient de prendre une bonne place. Effectivement. Ouais. Benoît, le Danemark, tu l'avais vu venir, tu avais dit que c'était c'était une équipe qui montrait beaucoup de... Tu l'avais vu venir avec Nicolas la semaine passée. Oui, je la qualifiais de l'équipe, la sélection Cendrillon de la compétition. Puis effectivement, ils ne font pas mentir. Est-ce qu'ils peuvent aller au-delà de la demi-finale et aller surprendre les Anglais ce mercredi? On ne sait jamais. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver parce qu'ils ont une belle équipe aussi. Ils ont du beau jeu. Ils offrent du beau jeu, de la qualité. J'aime bien puis de l'engagement physique aussi. C'est intéressant à voir. Je pense pas qu'ils battent l'Angleterre. L'Angleterre semble être vraiment en mission. L'Angleterre qui n'a aucun but. Mais j'écoutais RMC en fin de semaine puis on disait qu'il faut faire attention avec l'Angleterre. Ils ont eu un calendrier assez facile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Totalement, surtout le nombre de matchs joués chez eux à Wembley, etc. Ouais. Il n'y a pas eu de voyagement, il n'y a pas eu de grosses blessures. En tout cas, ils sont en bonne position, ils sont bien assis dans le fauteuil. Mm. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que le Danemark il va arriver à genoux devant eux, quand on connaît nos Danois. Mais ils sont en montée. L'Angleterre, depuis en tout cas, le 8e, le quart de finale, ils sont en montée. Kane se met à marquer. Quand tu regardes les effectifs, les joueurs, ils ont une très belle équipe. Là, moi, je les voyais en finale contre la France. C'était ma prédiction du début de la Coupe. Et en plus, ils jouent chez eux, c'est sûr. Jamais gagné à l'Euro. J'aimerais bien les voir passer en finale. Maintenant, à voir. Mais moi, je les vois quand même gagnant de ce match-là. Après ça, l'autre côté, ça va être un beau duel aussi demain. Là, ben, ça va être intéressant. Le duel choc, hein, c'est probablement le duel. Oui. L'Italie-Espagne, c'est un duel choc. Normalement, l'Italie devrait remporter la victoire. Mais par contre, moi, il y a de quoi, que M. Millien, que je crois beaucoup, c'est la moyenne, c'est la loi de la moyenne dans le sport. 31 matchs consécutifs sans défaite pour l'Italie. À un moment donné, ils sont dus pour en perdre. Moi, je crois à ça, moi. Tout le monde peut croire à ce qu'il veut, ouais. Hein, il n'y a pas de problème. C'est une bonne façon de voir les choses. Bon, les statistiques sont là pour parler, mais elles ne sont pas là pour marquer. Hein. Ouais. Bon, mais quand même, c'est certain que l'Italie est très, très bien placée, a démontré beaucoup de choses dans ce tournoi. Moi, personnellement, je vais dire que mon cœur va de ce côté-là, mais bon, j'aime bien l'Espagne, j'ai pas de problème avec ça. J'aime un peu moins les Anglais, et c'est pour ça que j'espérais que les Danois leur fassent un petit tour qu'ils n'ont pas vu venir. Mais il faut regarder l'Italie, bien sûr, avec un œil de favori, hein, dans ce qui reste à jouer. Est-ce qu'il y a problème en temps supplémentaire ou même en tir de barrage? Ah, Ça risque d'être serré, Danny. C'est un match. Oui, tout est possible, mais ça dépend comment est-ce que ça va. Est-ce que l'Espagne va dominer dans la possession de ballon comme ils ont fait un peu dans les matchs précédents, parce que c'est une équipe qui aime bien distribuer. L'Italie est un peu comme ça aussi, donc ça va être intéressant à voir comme duel. J'ai hâte de voir. C'est le fun quand une première équipe marque un but rapidement, ça ouvre le jeu un peu. Maintenant, souvent l'Italie a beaucoup d'aspects défensifs. Est-ce qu'on va les retrouver lors de ce match-là? J'ai hâte de voir un peu comment est-ce que ça va être ce match-là. Ça va être très intéressant, en tout cas, à mon avis. OK. Benoît, parle-moi de la Copa América. On dirige vers Brésil-Argentine, oui. Hein, une finale. D'abord, la demi-finale ce soir. Brésil-Argentine en finale, hein? Ben, je l'espère bien gros, j'espère, mais surprenante sélection du Pérou quand même, qui se retrouve en demi-finale. Il y a battu le Paraguay au tir au but. Bon, c'est quand même des matchs serrés, là. Le Brésil a eu de la difficulté à aller battre le Chili, qui avait encore une belle sélection, 1-0. Je pense que le Brésil va passer en finale. C'est les favoris de toute façon, là. Et par la suite, Argentine-Colombie demain, ça va être un très bon rendez-vous aussi, ça. La Colombie qui a surpris l'Uruguay, hein, 1-0, en penalty. Suarez et Cavani ont été les seuls marqueurs. Les gros joueurs ont pas manqué leur tir, mais les coéquipiers ont manqué. Donc, on se retrouve avec la Colombie qui a une belle sélection aussi. Puis moi, ben, je le dis depuis le début, là, j'espère enfin un titre à Messi avec l'Argentine, mais le Brésil est quand même coché plus haut un peu. Là. Je sais pas, M. Millien doit être d'accord un peu, je sais pas. Oh, totalement, 100%. Ça, c'est clair qu'il faut regarder Argentine-Brésil comme étant les deux meilleures équipes actuellement, même s'ils n'ont pas été toujours transcendants dans chacun de leurs matchs. Mais eux aussi, c'est des pays qui calculent. Hein. Mmh. Alors, on utilise un peu moins tel joueur parce qu'on veut le voir au match d'après, etc. La seule chose qu'il y a, et en effet, il y a eu des bons matchs, et une Colombie qui me rappelle un peu la Colombie de Valderrama, hein, quand Valderrama était le chef technique de la Colombie, on avait des résultats bien intéressants aussi de ce côté-là. Okay. Mais il faut être réaliste, Brésil-Argentine, c'est dur de dire qu'ils ne seront pas en finale. Un peu comme la Gold Cup États-Unis-Argentine. C'est à peu près États-Unis contre Mexique. C'est à peu près tout. On sait toujours pas mal tout le temps. C'est pas mal ça également. Oui, mais Danny, le Chili a été surprenant. Ils ont remporté deux coupes, hein, la dernière, mais les deux autres auparavant. Ils avaient battu l'Argentine deux fois en finale, deux fois au tir au but. Je pense que c'était 0-0, les deux résultats identiques. Il y a eu deux coupes américaines, une sur l'autre, avec celle du centenaire aux États-Unis, mais Messi n'a toujours pas réussi. Moi, je souhaite en tout cas au moins Et là, on va en parler, parce que c'est la grosse nouvelle actuellement, c'est le mercato qui est commencé en Europe. Lionel Messi qui est maintenant agent libre. Monsieur Millien, est-ce que Manchester City va ramasser Lionel Messi? Il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs, d'ailleurs, qui circulent à la fin, où vous le voyez encore avec CFC Barcelone, qui est Messi? Est-ce que vous le voyez rester à Barcelone? Honnêtement, je ne veux même pas me prononcer là-dessus. Je pense que de cœur, il voudrait bien y rester, mais tout joueur veut aller le plus haut possible et dans la mesure où il veut démontrer qu'il est le plus utile à cette équipe, et c'est ce qu'il est actuellement à Barcelone. Donc, est-ce qu'il pourra faire la même chose dans un club anglais? Dur à dire. C'est certain qu'après ce qu'il a fait pour ce club-là de Barcelone, c'est triste de le voir partir, mais il a tous les droits et personne ne lui reprochera. Donc, Messi, c'est Messi, c'est le Messi, c'est tout ce qu'on veut. Et il faut s'attendre à n'importe quoi de sa part, dans la mesure où il y a des ponts d'or qui vont certainement se présenter devant lui. Okay. Lequel va-t-il choisir? Benoît, tu vois, parce que les rumeurs, c'est qu'il s'en allait avec Manchester City, puis par la suite, qui traîne, parce que lui, Manchester City, c'est qui? Ça appartient à New York, c'est-tu New York FC dans la MLS? C'est les mêmes propriétaires, c'est pour ça qu'il ferait 3 ans Manchester City, selon les rumeurs, puis transférerait en MLS. On a vu ça passer régulièrement. Oui, tu sais, quand tu as parlé de Mercato, là, moi, je suis ça un peu loin, j'écoute ce qui se passe, et les YouTube et puis tout ça, les Mercato, c'est complètement fou, là, les rumeurs, c'est complètement fou. Puis ici avec les Canadiens. Le foot business puis tout ça, mais moi, je pense que Messi va rester à Barcelone. Moi, je me prononce là-dessus, Messi reste à Barça. C'est une belle histoire, quand même. Oui, le projet, dépendamment des joueurs qui viennent, le joueur de Lyon, est-ce que c'est signé? Il y a différents joueurs qui s'en viennent aussi là. Agüero, son coéquipier avec l'Argentine, qui était à Manchester City, pourquoi il s'en va à Barcelone? Puis il est quand même rendu à 30 quelques années. Fait que moi, je pense que cette annonce-là, Agüero, qui est un grand chum, un grand ami à Messi, je pense que ça nous confirme un peu que Messi va peut-être rester là, à mon avis, en tout cas, à mon humble avis. Mais puis j'aime l'histoire de Messi qui a été avec un seul club. Là, c'est une belle histoire quand même. Là, j'aime cette histoire-là. L'histoire de la MLS, ben on verra. Là, le futur nous le dira. Là, mais je pense qu'un an, deux ans, encore avec Barça. Moi, je pense, en tout cas. Il y a Ramos qui s'en ira à PSG aussi, M. Millien. Je pense que vous avez suivi ça un peu. Des rumeurs qui circulent que Sergio Ramos avec PSG. Non, j'ai pas suivi ça. Celui-là m'est passé entre les doigts. mais bon, ben là aussi, il y a des. C'est toujours un peu pareil. On parle de Messi à Barcelone, mais s'il reste à Barcelone, qui va-t-on lui amener de plus? Et est-ce que c'est ce qui lui convient? Et est-ce que lui a demandé également? Alors, c'est toutes ces petites choses-là qui vont se décanter dans les prochaines semaines et qui rendent cette période intéressante. Parce qu'après l'euro, il va y avoir un trou. Alors, l'activité va se passer au niveau des échanges, des ventes, des tout ce qu'on veut. Ouais. Messieurs. Et c'est là qu'on va commencer à bâtir les équipes. Très intéressant. Dani. Oui. Oui, on prédit, on fait une prédiction, moi, toi et M. Millien. Bon, le gagnant de l'euro et le gagnant de la Copa América, on fait une petite prédiction. Monsieur Millien. Pour moi, c'est l'Italie. OK. Et puis, dans la Copa América, je suis partagé, c'est sûr, mais je pense que le Brésil ne peut pas perdre ça. Ils n'ont pas le droit. OK. Moi, je vais y aller avec Angleterre et Brésil. Moi, je pense que l'Italie, la loi de la moyenne, je la crois. C'est drôle, hein? Moi, je vais y aller en Angleterre, parce que je sais pas, j'aime bien les aspects historiques dans tout ça. Là, l'Angleterre qui remporte son premier euro et chez lui à la maison, l'histoire du football. En tout cas, l'Angleterre est très dans cette histoire-là. Ensuite, en Amérique du Sud, en Angleterre contre l'Italie et en Amérique du Sud, Brésil, Argentine, mais je souhaite à Messi, donc j'y vois que l'Argentine. En tout cas, je sais que le Brésil est favori, mais un match, Messi enfin pourrait sortir une grande finale. Je lui souhaite, j'espère, et je lui irai comme ça. Oui, effectivement. Donc, on se parle, M. Millien, on se parle la semaine prochaine avec pour parler un peu faire le tour complet. Oui, pas de problème, ça me fera plaisir, les gars. Voilà, donc c'était Francis Millien et Benoît Lavoie qui nous parlaient de l'Euro, les demi-finales débutent demain.